réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures? Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, le magazine quotidien d'avant les nouvelles du jour, où l'on prend le temps d'explorer l'univers d'un chercheur et l'imaginaire d'un créateur. Première partie, tête chercheuse, depuis lundi, Jean-Michel de la Comté nous propose de lire ou de relire Montaigne plutôt que de le célébrer pour mieux l'enterrer. Le troisième épisode, c'est dans un instant. Et en deuxième partie, je reçois le cinéaste Philippe Faucon à l'occasion de la sortie aujourd'hui de son dernier film Fatima et d'une rétrospective à la Cinémathèque. Mercredi 7 octobre, Un autre jour est possible. C'est parti, tout de suite, tête chercheuse. Montaigne, l'auteur introuvable, une série avec l'écrivain et essayiste Jean-Michel de la Comté, spécialiste de Montaigne. Et aujourd'hui, troisième chapitre. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. De la Comté. Et aujourd'hui, à la recherche de l'ami idéal. Là, on est au cœur de l'œuvre de Montaigne, je dirais. Oui, tout à fait. On est au cœur de l'œuvre de Montaigne, pour plusieurs raisons d'ailleurs. La première, c'est naturellement c'est la part centrale de l'amitié pour Montaigne, qui est une... L'amitié pour la Boétie, naturellement, qui fait l'objet chez lui de souvenirs de tout un chapitre archi connu, hein, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Je ne vais pas insister sur ce point-là, quoi que ce soit au cœur même de ses essais. De l'ami pour Montaigne, je dirais une chose qui me paraît tout à fait essentielle. C'est quoi l'amitié? L'amitié en général, mais l'amitié pour Montaigne en particulier. Il y a deux choses. La première, c'est ce qu'il a effectivement vécu avec la Boétie, et dont il essaie de rendre compte. Et je dis bien dont il essaie de rendre compte. Et l'autre aspect qu'il faut souligner, c'est que lorsqu'il écrit sur ou à propos de la Boétie, de 12 à 15 ans après la mort de ce dernier, il parle d'un absent. Et il y a une dimension, à mon avis, dans les essais qu'on ne prend jamais assez en compte, que moi je souligne, d'où le titre d'ailleurs aussi de mon livre « Adieu Montaigne », c'est que Montaigne est l'homme des adieux, c'est-à-dire l'homme des mondes perdus. Et parmi les mondes perdus, et le monde perdu peut-être le plus important pour lui, c'est son ami la Boétie. Et il y a un autre monde perdu, c'est celui des sauvages. Mais l'ami, ce n'est pas l'ami retrouvé, c'est l'ami perdu. Il essaye de le retrouver par les essais. Mais la Boétie est l'ami perdu, d'abord et avant tout, c'est-à-dire c'est l'absent. Et cette notion est tout à fait importante parce que il y a un chapitre, un essai plutôt, où Montaigne dit que s'il avait conservé son ami, il n'aurait pas écrit les essais tels qu'on les connaît. Il aurait correspondu avec son ami, qui l'aurait stimulé et qui lui aurait permis de s'exprimer plus largement en quelque sorte, peut-être de moins essayer. Donc j'en arrive à cette conclusion provisoire. L'ami est celui dont l'absence a permis à Montaigne d'essayer de vivre sans l'ami et d'écrire sur l'ami absent. Est-ce qu'il y a eu de la souffrance aussi chez Montaigne? Mmh. Pour répondre à votre question à la souffrance, la douleur de la perte chez Montaigne est telle qu'il ne peut l'exprimer, cette perte, qu'en recourant au latin. Le latin qui était sa première langue, qui remonte en quelque sorte... comme ça, des entrailles. Et il y a une impossibilité à dire la souffrance, la douleur de la perte. Et je souligne ceci, l'amitié, dans l'amitié, il y a quelque... selon Montaigne, pour l'ami idéal qui était la Boétie pour lui, il y a quelque chose d'inexprimable, non seulement de perdu, mais d'impossible à exprimer, justement. Et à la fin du chapitre de l'amitié, une avalanche de citations en latin où on voit que c'est le seul moyen d'essayer de dire quelque chose de sa propre souffrance, des années plus tard. Et je trouve ça très beau, parce qu'il y a un autre passage des essais où il dit, à un moment, il y a son père, qu'il aimait beaucoup, qui a eu un évanouissement et qui s'est renversé, dit-il, dans ses bras. Et lui, Montaigne, il s'est exprimé en latin pour manifester son effroi et sa surprise. En latin. Or, ça, il faut savoir que la grande angoisse de Montaigne, c'est de ne pas pouvoir parler. C'est pour ça qu'il dit à un moment, il dit qu'il préfère perdre la vue plutôt que le langage, que l'oreille et le parler, comme il dit. Or, c'est émouvant parce que il essaye de dire l'amitié. Il faut prendre le terme essai au sens propre. Montaigne est un homme qui essaie de parler, qui essaie de dire. Et l'ami, d'un point de vue symbolique, représente, l'ami La Boétie représente le maximum, en quelque sorte, de ce qu'il essaie de dire. Qu'est-ce qu'on appelle par l'amitié à La Boétie? C'est de l'amour, cet amour qu'il a refusé dans la cellule familiale, cet amour qui était tenu à distance avec les femmes qu'il désirait, mais on ne sait pas s'il les aimait. C'est quoi cette histoire d'amitié avec La Boétie? L'amitié, c'est l'absence. L'amitié, c'est l'absence. Ça veut dire quoi? Non seulement la perte dont on vient de parler, mais c'est aussi celui qui est loin. Ils se sont très peu vus, hein, vous savez, l'amitié, La Boétie et Montaigne. Ils sont vus dans les moments clés, à la mort de La Boétie, par exemple. Ah oui, alors tout à fait. Hein, il a assisté, en effet, c'était même le témoin et l'héritier spirituel de La Boétie, tout à fait. Et c'était un peu plus que l'héritier. Hein. Les mots que va avoir La Boétie pour Montaigne, c'est presque des mots d'amant. J'ai un peu de mal avec ça, je vous le cacherai pas. Je pense que c'est indécidable, vous voyez. Il y a une tendresse... Disons que ces derniers mots auront été pour Montaigne. Ah oui, ça c'est clair. Mm-hmm. Ce qui est assez troublant. Ce qui est troublant, l'ami idéal est unique. Comme aujourd'hui, c'est le mot amitié aujourd'hui avec Facebook qui est complètement galvaudé. Mais disons, attribuons, pour bien comprendre, quelque chose à Montaigne, à cette amitié, un petit peu, si vous voulez, la catégorie de l'amour aujourd'hui, ou un amour qui serait quasiment mystique, où on ne se toucherait pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors on peut dire, vous savez, j'ai lu des choses là-dessus, est-ce qu'il était homosexuel, tout ça, bon. Parce que c'était l'amour chaste. Non, bon, ma question se situe sur la qualité de cette relation. Est-ce que, pour Montaigne, l'ami, c'est le guide. C'est en perdant un guide intellectuel, spirituel, appelons-le comme vous le voulez, Jean-Michel de la Comté. Mais est-ce que c'est pas en perdant une part de lui-même, ce guide, que soudain La Boétie devient un ami? Le rôle de mentor de La Boétie qu'on repère dans certains poèmes en latin de La Boétie d'ailleurs, dont un qui était adressé à Montaigne. Oui, indiscutablement. La Boétie avait 3 ans de plus que Montaigne. Il avait une maturité bien supérieure à celle de Montaigne, qui à l'époque où La Boétie se marie, et comme vous le savez, entre le mariage et l'amour, il y a une dichotomie à l'époque. Montaigne, lui, est encore aux ébats de jeunes chiens fous, en quelque sorte. Et La Boétie a une fonction, je dirais pas paternel, mais une fonction de grand frère, si on peut dire. Et sous cet angle, cette fonction de mentor est tout à fait essentielle et la meilleure preuve qu'en effet il y a une perte et une perdition, il le dit lui-même Montaigne, c'est qu'à partir de la perte de La Boétie, il a eu un tel vide en lui qu'il a dû recourir, c'est amusant d'ailleurs, à la sexualité au fond, parce que lui il dit ça l'amour, mais en fait nous on dirait la sexualité. Et plus tard, un peu plus tard, enfin nettement plus tard même, il est un peu erratique quand même. Il est un peu erratique, puis ensuite, comme il faut absolument qu'il trouve un ami, quelqu'un à qui parler, à qui s'adresser, il écrit des essais. C'est ce qu'il dit. Il a une crise de deuil et de mélancolie, et il se lance dans l'écriture des essais. Et sous cet angle, je crois que c'est Michel Butor qui disait ça, c'est les essais, c'est le tombeau de La Boétie, il a tout à fait raison, mais les essais constituent un substitut de l'ami perdu, au moins pour les 2 premiers livres, c'est-à-dire jusqu'en 1580. Le 3e livre, c'est autre chose. Généralement, on dit, on a connu l'amour de sa vie avec Montaigne, c'est l'ami de sa vie, puisqu'il y a un seul ami, c'est La Boétie, point. Oui, c'est pour ça, en effet, il y a une référence à faire en termes modernes, si je puis dire, ou actuels. En effet, pensons cette amitié comme on penserait l'amour, mais, à mon avis, sans la question du contact physique. Je crois vraiment, très profondément, vous savez, que l'amitié se caractérise par l'absence. C'est-à-dire, mais réellement. C'est-à-dire, n'oublions pas une chose. Il parle de La Boétie après coup, quand même. Hein? D'une part. D'autre part, comme je viens de le signaler, s'il avait pu échanger, si La Boétie n'était pas mort, s'il avait pu avoir un échange épistolaire tout au long de sa vie, au fond. Ce qu'ils ont eu, d'ailleurs, quand ils étaient ensemble, hein. Ils se voyaient peu. Hein? Mais, dit-il lui-même, il n'aurait pas écrit les essais. Et donc, dans ce rapport entre l'amitié et l'absence me semble tout à fait essentiel. C'est pour ça que je crois La question de la chair ne se pose pas pour l'amitié, selon Montaigne en tout cas. L'amour, c'est la chair, l'amitié, c'est l'esprit. Merci beaucoup Jean-Michel de la Comté. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui sort la semaine prochaine, le 7 septembre précisément, chez Fayard. Adieu Montaigne, on se retrouve demain à la même heure. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Philippe Faucon. Bonjour. Votre dernier film, Fatima, sort au cinéma aujourd'hui, on va en parler. Et la Cinémathèque française en profite pour vous consacrer une rétrospective. Ça vous fait quoi? La rétrospective? Ouais. C'est curieux. Je me rappelle qu'une fois j'avais pris un avion avec un réalisateur français de la génération d'avant qui s'appelait René Clément. Mmh. Et il avait une discussion avec sa femme qui autour de l'enfer, de l'idée de l'enfer, de l'idée que qu'ils se faisaient l'un et l'autre de l'enfer. Et lui avait dit l'enfer, ça doit être un endroit où je serais condamné à revoir mes films. Et donc voilà, moi en général mes films je les revois plus pendant de longues périodes, parce que quand je sors d'un film, j'ai toujours un rapport un peu difficile, je suis dans un état d'épuisement, je suis sur les regrets de ce que j'ai pas réussi, de ce que j'aurais voulu faire, etc. Et puis ensuite j'ai besoin de passer à un autre et je m'investis dans un autre. Donc mes films, finalement, je me rends compte avec cet événement que je les méconnais en fait. Et c'est une occasion de les revoir. C'est une occasion de les revoir. Donc quelquefois j'ai des rapports difficile avec certains d'entre eux, et puis je m'aperçois que je les redécouvre autrement. En tout cas, la Cinémathèque aime bien les hommes blancs de 50 ans. Après Mathieu Amalric, c'est votre tour. En fait, je m'abuse de l'expression controversée et très commentée sur la toile et dans la presse de la présidente de France Télévisions lancée il y a quelques semaines, mais cela rejoint un peu le propos de votre film, Fatima, la représentation des uns et des autres. La représentation des uns par les autres. Je me souviens qu'en mai, à Cannes, où votre film Fatima a été dévoilé, si j'ose dire, dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs, vous insistiez sur le fait que vous vouliez filmer une de ces femmes qu'on croise souvent en France et qu'on ne voit jamais dans le cinéma français. Une femme de ménage, autant dire une prolo dans la France contemporaine, qui a 50 ans, mais on ne sait pas si elle a des cheveux blancs ou pas, car elle porte un foulard. Est-ce que Fatima fait partie des invisibles, Philippe Faucon? Oui, c'est ce qui m'a beaucoup. C'est pour ça que je me suis beaucoup attaché dans la rencontre que j'ai eue avec l'auteur du livre. C'est pour ça que je me suis beaucoup attaché à ce personnage sur lequel qu'on a commencé à faire naître sous forme d'un personnage de film, et aussi au personnage de l'auteur, c'est-à-dire que l'auteur qui s'appelle Fatima El Ayoubi. Mmh. Marocaine. C'est-à-dire que qui est marocaine, qui est une femme marocaine d'origine, qui est une femme qui a été dans son pays déscolarisé assez tôt, qui est resté dans une espèce de grande frustration par rapport à ça, et qui, par ses propres moyens, parce qu'elle avait eu le temps d'apprendre et d'écrire l'arabe, par ses propres moyens, comme ça, d'une façon autodidacte, en s'emparant de tout ce qu'elle pouvait, de tout ce qu'elle pouvait lire, tout ce qui lui tombait sous la main, est parvenue à l'accomplissement d'une personnalité très riche. Et donc, c'est un personnage. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait écrit ce qu'elle avait consigné dans son livre, pourquoi elle avait eu le besoin de ça, elle m'a dit j'ai fait ça parce que c'est pour dire à la société dans laquelle je vis que cette femme qu'on regarde en général comme une femme ignorante, immigrée, qui parle pas bien français, etc., voilà comment elle pense, voilà ce qu'elle ressent. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce personnage, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a eu une vie qui est une vie normalement d'écrasement, qui est une vie qui est faite vraiment de difficultés, de choses qui sont pas simples, et c'est un personnage qui ne s'est jamais résigné, qui ne s'est jamais qui a toujours eu une activité, une pensée très très très forte, et c'est très frappant chez elle dès qu'on la rencontre, on voit que c'est un personnage qui est dans une activité de pensée incessante, qui est dans une expression débordante comme ça, avec un grand besoin de dire qu'elle est autre chose que ce qu'on lui renvoie habituellement, que ce qu'on perçoit d'elle habituellement, qui est toujours un peu réducteur. Et vous avez adapté aussi bien donc sa vie, son expérience, que ses écrits. Et du coup, Fatima, le film, c'est l'histoire d'une femme battante, puisqu'elle se bat pour l'éducation de ses filles en essayant de surmonter le handicap de ne pas maîtriser la langue française. Oui, voilà. Donc, elle est venue en France en suivant son mari et sans parler le français. Elle a eu deux filles qui sont nées en France et qui, elles, parlent le français depuis qu'elles ont appris à parler. Et avec qui elle s'est retrouvée petit à petit dans une espèce de séparation par la langue, puisque elle, du fait qu'elle avait sa vie de travail, de ménage, avec des fois des ménages à faire dans trois endroits différents, elle n'avait pas toujours la possibilité d'être très assidue au cours d'alphabétisation. Et de cette façon, comme ça, elle s'est retrouvée à avoir avec ses filles des échanges de l'ordre du quotidien, à moitié en arabe, à moitié en français, mais dès qu'il s'agissait d'aller un peu plus loin, il y avait un empêchement. Donc, en fait, elle a aussi pris l'habitude de consigner dans son cahier ce qu'elle n'arrivait plus à ce qu'elle ne pouvait pas exprimer dans sa langue à elle, en arabe, à ses filles. Avec des scènes très fortes, comme cette scène où Fatima assiste au conseil des profs, de la rencontre entre parents d'élèves et professeurs. Elle a envie de dire des choses, elle a envie de comprendre tout ce qui se dit, mais elle n'arrive pas. C'est une frustration, c'est une des scènes les plus fortes de votre film, qui est par ailleurs courageux, parce que on aurait pu penser que le thème c'était comment se battre, ou de rappeler que ne pas parler le français ne voulait pas dire que la personne était analphabète. Mais dans le contexte actuel, c'est beaucoup plus le foulard de Fatima qui va faire débat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le foulard de votre actrice, de votre interprète principale, n'est jamais le sujet de votre film, comme si vous avez évacué la question. Oui, en fait, dans le livre, et dans le scénario, le personnage ne portait pas de foulard, puisque l'auteur du livre n'en porte pas. C'est une femme qui est croyante par ailleurs, mais qui est d'une génération et d'un milieu rural où on ne portait pas le foulard. Bon, et donc moi, j'ai fait le choix d'une femme à qui j'ai trouvé des vraies qualités, des vraies richesses de comédienne, même si elle n'en est pas une. J'ai fait le choix d'une femme qui dans sa vie porte un foulard. Bon, pour moi, c'était pas un problème particulier, mais justement, en fait, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir un personnage de femme voilée dans le film, sans que ça soit un problème particulier, sans que ça soit le sujet du film, mais simplement, présent comme un personnage comme un autre dans la société dans laquelle il vit. Ce foulard, une ou deux fois, a provoqué des réactions un petit peu de surprise et d'interrogation, qui sont l'expression de la crispation que ça continue à Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Philippe Faucon, de cette crispation? Je trouve que... parfois, ça, on en arrive à des. Je comprends bien l'argument qui est, c'est quelque chose qui dévalorise ou la femme ou l'enferme ou quelque chose comme ça. Mais lorsque ça a pour conséquence que on décide qu'on empêche une mère voilée de suivre une activité scolaire, etc., je trouve que on est là dans une espèce de rigidité qui prend des formes un peu absurdes. Donc, en effet, dans le film d'ailleurs, il y a une stigmatisation par rapport au personnage du fait qu'elle est voilée. Il y a des situations d'évitement du fait qu'on bloque sur son foulard. Il y a aussi la stigmatisation inverse qui est évoquée, c'est-à-dire qu'il y a dans le quartier où elle vit, il y a évoqué le fait que, alors là, à l'inverse, ne pas porter un foulard, c'est faire parler de soi, c'est être mal regardé, etc. Donc voilà, il y a, en fait, je crois que moi, j'ai toujours une tendance à être du côté du personnage qui est isolé par rapport au groupe et au plus grand nombre. Donc dans les deux cas, je suis avec celui qui subit la pression du plus grand nombre. Philippe Faucontre, le moment où le film Fatima a été présenté à Cannes et sa sortie aujourd'hui, il y a eu la crise des migrants. Alors a priori, pas de rapport direct avec votre film, sinon de rappeler que Fatima et son ex-mari sont des émigrés. Voilà, c'est un couple séparé qui fait par ailleurs tout pour la réussite des enfants, c'est-à-dire deux jeunes filles de 15 et 19 ans. Alors, direz-vous que Fatima et son ex-mari sont deux ex-migrants qui ont réussi leur intégration malgré tout ? Oui, sans doute, comme moi-même, je suis, comme beaucoup comme un grand nombre de Français, quelqu'un qui est issu de gens qui ont immigré en France, qui ne parlaient pas la langue, qui étaient mes grands-parents, donc, sauf espagnol, qui étaient, voilà, d'origine espagnole, qui se sont retrouvés vis-à-vis de moi, leur petit-fils, dans cette même séparation par la langue, c'est-à-dire qu'on ne se comprenait pas, qui ont été des invisibles, en effet, de la société à laquelle ils ont participé par leur travail et leur apport. Qui ont apporté à cette société, des choses et qui ont mené l'éducation de leurs enfants. J'ai à voir avec les personnages de ce film, par ça. Alors, parlons maintenant de l'hommage à la Cinémathèque, qui vient marquer une carrière de 25 ans et 8 longs métrages, je crois. Philippe Faucon, vous avez commencé le cinéma en tant que régisseur. Vous avez travaillé pour Jacques Demy, 3 places pour le 26, pour Carax, pour le film Mauvais Sang, René Alliot pour Un médecin des Lumières. Et après 2 courts métrages de fiction et de documentaires pour la télévision et pour le cinéma, vous allez faire aussi bien des films pour la télé et le cinéma. Vous êtes de cette nouvelle génération pour qui il n'y a pas de différence. D'ailleurs, il y a eu 2 rencontres déterminantes dans votre carrière, celle du producteur de cinéma, le regretté Humbert Balzan, mais aussi de Pierre Chevalier qui a travaillé pour l'unité fiction d'Arte. Et puis, vous avez commencé avec L'Amour, donc déjà avec votre premier film où vous décriviez les relations amoureuses d'une bande de jeunes de Saint-Denis, il y avait votre envie de parler de cette France-là, parce que les autres films, Sabine en 92, Muriel fait le désespoir de ses parents, Samia, mais 17 ans, parle de cette jeunesse-là, avec quand même 2 exceptions de taille, la désintégration en 2010, qui préfigure les attentats de janvier dernier, on peut le dire, et la trahison en 2004, qui parle des sacrifiés de la guerre d'Algérie. Donc diriez-vous, Philippe Faucon, que votre cinéma parle de la mémoire des oubliés, des invisibles, de l'histoire contemporaine française et de ses non-dits concernant son héritage colonial? Oui, en partie. Enfin, en tout cas, c'est vrai que... Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappée dès le moment où j'étais... où je commençais à me rendre compte que je voulais faire du cinéma, où j'étais en fac. C'est une chose qui m'a beaucoup frappée, à quel point le cinéma français de l'époque, mais c'est quelque chose qui reste vrai aujourd'hui, est quelquefois en décalage avec la réalité de la société. C'est-à-dire qu'il y a à l'époque et même encore aujourd'hui, il y a des catégories de population qui sont très très peu représentées, voire pas du tout représentées, et qui voilà, et ça, et moi je trouve ça assez étonnant. Donc en effet, je suis issu des milieux que j'évoque dans mes films. Donc voilà, j'ai eu envie de leur donner place sur les écrans. La des places que quelquefois il n'avait pas. Il y a ce décalage se résorbe, mais de mon point de vue, il est encore assez étonnant, quoi. Il reste assez étonnant. Est-ce que vos prochains films, est-ce que dans vos projets, vous allez continuer à creuser ce même sillon d'un cinéma social qui parle de voilà des gens qui sont absents des écrans. Si j'ai le sentiment que j'ai la possibilité de raconter des personnages que je n'ai pas encore raconté, si j'ai le sentiment que je commence à me répéter, j'essaierai de me renouveler. Ouais. Philippe Faucon, hommage à la Cinémathèque, est sorti aujourd'hui de son dernier film Fatima. Wa-da-da-dee-dee-dong-da-dong. Wa-da-da-dee-da-da-dong. Wa-da-da-dee-dong. Et pour terminer, le questionnaire de l'humeur du jour. Philippe Faucon, vous choisissez dans la corbeille à questions. Trois questions. À qui pensez-vous le plus en ce moment? Je pense à la personne qui travaille avec moi sur nos projets, avec qui je suis marié, et donc qui m'accompagne dans quelque chose qui est qui nous occupe les journées entières, voire les week-ends. Voilà. Deuxième question. C'est quoi pour vous une bonne odeur du matin? C'est une odeur qui appelle à se lever et à prendre à bras le corps la journée qui vient. Alors ça peut être une odeur de l'extérieur, de jardin, de vie, ou alors une odeur de café. Et vous vivez où, Philippe Faucon? Moi, je vis dans une maison qui donne justement sur un jardin avec des arbres, une tonnelle, et qui se trouve dans un quartier de Toulon. Merci. Troisième et dernière question. Que lisez-vous en ce moment? Alors, je relis un roman de Gustave Flaubert qui s'appelle Madame Bovary. voilà, ça peut être à voir avec un travail à venir. C'est une deuxième, troisième, ou vous ne comptez plus les relectures de Madame Bovary? C'est un roman que j'avais lu deux fois quand j'étais quand même beaucoup plus jeune. Ça faisait quelques années que, et donc c'est vraiment une redécouverte. Je le relis à un âge qui est très différent des premières lectures que j'ai eues. Merci d'être passé ce matin, Philippe Faucon. Merci à vous. On se retrouve demain, toujours avec Jean-Michel de la Comté, en première partie de l'émission, autour de Montaigne. Et en deuxième partie, je recevrai l'écrivain Afid Aghoun, qui a sorti chez Plon un livre qui a pour titre Anne F. Bonne matinée. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine de 6h à 6h30. Et quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne, ou le podcast disponible sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter. Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, préparée avec Marie Dalquier et Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Duterre.